أذعن لله عز وجل وركع وسجد بين يديه وسأله من فضله وكرمه وجوده ولم يسأل غيره ولن يستعين بغيره ولن يشرك بالله جل وعلا. Nos hadiths que le prophète عليه الصلاة والسلام s'adressa à Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma alors qu'il s'agissait d'un jeune homme, s'agissait d'un enfant qui n'avait pas dépassé les 10 années. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous s'adressa à lui, lui dit: sois attentif envers Allah Azza wa Jal, il ne sera envers toi. Sois attentif dans ta manière d'adorer Allah Azza wa Jal, dans ta manière d'obéir aux ordres d'Allah Azza wa Jal, dans ta manière d'appliquer les prescriptions divines. Sois attentif dans les moments où Alhamdulillah qui est dans les ombres, mais aussi dans les moments qui sont dans la contrainte, dans la difficulté, éprouvés par le mal. Sois attentif face aux obligations d'Allah Azza wa Jal, mais aussi aux actes obligatoires. Sois attentif dans toute ta vie. Que Allah Azza wa Jal soit présent de ta naissance jusqu'à ta mort. Celui qui est attentif, Allah Azza wa Jal lui accordera sa protection. Il lui rappelle aussi, si tu demandes à Allah Azza wa Jal, si tu sollicites de l'aide, sollicite-le à Allah Azza wa Jal. Et sache, si toute la Ummah conjugue ses efforts pour t'apporter un bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrété, ils ne réussiront jamais. Et si toutefois la même Oumma conjugue tant d'efforts pour te nuire, alors qu'Allah Azza wa Jal ne l'a pas décrété, cela ne te touchera en rien. À travers ce hadith, on apprend à avoir la certitude, la conviction que c'est Allah qui donne, et c'est Allah qui prend, c'est Allah qui accorde et c'est lui qui retire. Quand il t'accorde bien, tu le remercies. Et quand il t'y preuve par le mal, tu fais preuve de patience. Et tu sais que toute chose arrivée dans ta vie quotidienne, s'il t'arrive, c'est ce n'est que par le décret d'Allah Azza wa Jalla. Et toute chose que tu n'arrives pas à obtenir, à aboutir, sache que c'est aussi par le décret d'Allah Azza wa Jal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre bien-aimé le prophète alayhi salatu wa sallam dans un hadith disait, le hadith c'est un hadith relaté dans le Sahih de Bukhari et de Muslim et rapporté par Abu Huraira radhiyallahu anhu, où il disait: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا صفر. عادات من عادات الجاهلية. الطيرة عندهم حينما يرون كلبا أسود مثلا أو قطا أسود أو رجلا أسود فيتطيرون به ويتساءلون لرؤيته ويعتقدون فيه أن يومهم هذا إنما هو يوم مذموم لا خير فيه ولا بركة. فإن كانت عندهم عزيمة على صنع معروف في هذا اليوم وشاء الله عز وجل أن يلقى أو يلتقي لقط أسود أو عبد أسود أو كلب أسود أو غير ذلك مما يعتبره الناس والعياذ بالله له قدرات فعوض أن يقدموا ويواصلوا عملهم يمسكون يتفحرون يتفحرون. والأصل أن كما بين النبي عليه الصلاة والسلام لا سيرة في الإسلام ولا هامة. هذا طائر كان كفار قريش قبل مجيء الإسلام إذا رغبوا في الإقدام على عمل من الأعمال كانوا يأخذون برأي الطائر هذا العصفور الصغير فإن راح على اليمين قال أقدموا على عملكم وإن ذهب يسرة قال أمسكوا فحاله من يؤمن بالطائر وينسى الخالق جل وعلا. وكذلك كانوا يتشاءمون بسفر ونحن اليوم في أول أيام هذا الشهر المبارك سفر. لذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام ولا سفر فلا نتشاءم لا بالأشخاص ولا بالحيوانات ولا بالأيام ولا بالأشهر إنما هي خلق من خلق الله جل وعلا. فاعلم علم يقين أن ما أصابك في يومك هذا ما كان ليخطئك وما أخطأك بيقين أنه ما كان ليصيبك إن اعتقدت هذه أو هذا الاعتقاد الجازم بالله وفي الله فعقيدتك صحيحة وإن كان عندك ريب أو شك فتدارك الأمر قبل فوات الأوان. هو في الحديث القفاق عليه الصلاة والسلام من جيد إن يرفعه في الأسفل كالك شوز لكالك شوز فرصوص تنظيمون من الخلاصون c'est ce qu'on appelle à ce qu'il y a nos vues. Malheureusement, les polythéistes, à leur époque, n'étaient encore d'actualité. Les polythéistes, à leur époque, quand ils voyaient un chien noir, ou quand ils voyaient un animal noir, ou quand ils voyaient un esclave noir, ou quand ils voyaient quand le mois de Safar vient de débuter, quand le mois de Safar arrivait, ils considéraient que c'était des forts malheurs pour eux. Et si toutefois ils avaient un projet à mener pendant cette période, ou pendant cette journée, ils finissent par l'abandonner. Et tout cela relève d'un manque de foi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est français. Si dire, notre foi en Allah Azza wa Jal, la comprendre quand j'ai la foi en Allah Azza wa Jal, je n'ai pas la moindre hésitation. Que ce qui m'arrive dans ma vie de tous les jours, c'est par décret d'Allah Azza wa Jal. Et je dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ça m'arrive en malheur, c'est aussi par décret. Et je dois faire preuve de patience et d'endurance. Et si toutefois je demande, je sollicite, j'invoque, et au final je ne reçois rien, mais c'est aussi par l'esprit d'Allah Azza wa Jal. Et je dois être satisfait de la décision divine. Parce qu'on dit qu'il y a d'après le Khalima, c'est d'Ahamu. Serez-vous barak Allah oufikoum, les frères qui sont sur la tombe, serez-vous. Serez-vous barak Allah oufikoum. Donc on est censé avoir cette fois au lui, subhanahu wa ta'ala, sans la moindre hésitation. Les Arabes à l'époque, quand ils voulaient entreprendre un long voyage, ils se référaient à des oiseaux. Si l'oiseau prenait la direction de la droite, ils vont entreprendre leur voyage. S'ils prenaient le sens opposé, dès que c'est un, cette journée, ça ne peut que me porter malheur et je dois cesser d'entreprendre sa tâche. Malheureusement, cela est toujours d'actualité. Aujourd'hui, c'est le premier Safar coïncide avec le vendredi 13. Dans l'esprit des non-musulmans, et malheureusement de quelques musulmans, aussi donc le vendredi 13, ça porte malheur. Il n'y a rien qui porte malheur. Le musulman dans sa vie, dans sa foi, il est censé أن يحسن الظن بالله عز وجل. حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. L'un d'entre vous demandera qu'on aille à la certitude, la conviction d'avoir l'espoir pour Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas là le moindre doute. Et d'ailleurs, c'est la différence entre Al-Tiyara et Al-Fa'l. Al-Fa'l, c'est que j'ai toujours l'espoir pour Allah Azza wa Jal. Et quand j'entends une belle parole, je dis: j'espère Allah Azza wa Jal que mon projet se réalisera. Et quand je vois quelqu'un que j'aime, je me dis, bi'idhnillahi azza wa jal, j'espère qu'Allah azza wa jal m'accordera. Mais jamais l'inverse. Jamais penser à travers une personne, à travers un objet, ou à travers un animal, qu'il peut avoir un pouvoir sur moi et qu'il peut nuire directement à mon quotidien et à ma vie. Si ce n'est pas لا ترمسوا الله عز وجل. أسأل الله العلي القدير ولكم توفيقا. وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، إذا قدر الله عز وجل وشعر الواحد منا عند ضعف من إيمانه، شعر حينما يرى أمرا من الأمور فيتطير منها، فنقول بإمكانك أن تتدارك الأمر، وبإمكانك أن تعود إلى مولاك، وبإمكانك أن تتوب إلى خالقك. بارك الله فيكم لإخوانك السلطون. Serrez vous, barak Allah fikoum, avancez vous et serrez vous. L'insan, idha ma haddathathu nafsuh bi'amrin min umur al-tiyarah, min umur al-tasha'ul, fal yatadhakkar du'a an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: Allahumma la khayra illa khayruk, ولا طائر إلا طيرك، ولا إله غيرك. إذا تشاءمت، إذا أحسست بنفسك الإيمان ونظرت فرأيت ما يزعج داخلك وأدى بك ذلك إلى الطيرة أو إلى التشاؤم، فاذكر الله عز وجل وقل: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طائر إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا بإذن الله يذهب الله عز وجل به ما في قلبك. Donc je disais, il se peut. Il se peut qu'à un moment de faiblesse, de foi, qu'on sera amené dans une situation bien particulière à penser que telle ou telle chose ne porte malheur. Quelqu'un qui est convoité, quelqu'un qui est dans la difficulté, dans le problème, est à quelqu'un d'autre qui apparaît dans sa vie, sans faire attention, il exprime son mécontentement d'une manière où il pense que la présence de cette personne, ça lui porte, ça lui a du bien à malheur. Il dit tout simplement: rappelle-toi. Rappelle-toi que chacune de la possibilité se demandait par le malade. Et rappelle-toi le dua du prophète avec toi, c'est celui qui nous a enseigné donc ce type de d'apostolat. Le dua du prophète par les présents qui nous a appris pour éviter et pour demander pardon à la religion d'avoir agi de cette façon, on dit Allahumma la khayra illa khayra. Il n'y a pas de mot soutenant au cœur d'Allah. Il n'y a pas d'augure. Allahumma la khayra illa khayra. Il n'y a pas d'augure soutenant au cœur d'Allah. Et la ilaha illa. On reprend qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Donc tu me rappelles que le bien provient de lui, qu'on le bien provient de lui. Et s'il y a quelqu'un qui est digne d'être adoré, c'est lui subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une façon, une manière de demander pardon à Allah. فأسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. لكل الإخوة الذين يسألون الدعاء فنسأل الله عز وجل أن يؤتيهم سؤلهم. اللهم ائتهم سؤلهم، اللهم وفقهم، اللهم وفقهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض حوائجهم. كذلك في كتاب غفر بارك الله فيكم فاقوى القدر. دونك اون ريست اون ريست Alhamdulillah, on a acheté le terrain, comme vous le savez tous, on l'a acheté par les dieux de quelques frères qui nous ont prêté de la route. Et donc, Allah, le plus rapidement possible, va, Allah, collecter cette somme pour rembourser ces frères et ces sœurs qui nous ont prêté. C'est vrai qu'au cours de 102 000 euros, ce n'est pas beaucoup. Si on s'en est tous, et qu'on s'engage tous à participer, c'est pour notre bien de tous. C'est cette sadaqa jariya à travers laquelle on espère une fois de plus auprès d'Allah Azza wa Jalla gagner sa miséricorde et sa sainteté. On va procéder tous à la construction du mosquée. Pour le Coran, le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu, kayfan fil janna. Il dit qu'il œuvre pour la construction du mosquée dans une demeure dans la vie de la mort, Allah Azza wa Jalla lui construira une demeure dans l'au-delà. Tabarakallahu fikum la tadkhalu ala anfusikum. قدموا ما تقدموا فإنما تقدموه لأنفسكم. أسأل الله العلي القدير والأمور توفيق. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا فإن تسمية الصف من تكرار الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.